tout recommencer. Balayer ta vie passée. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. L'échelle fut retirée. Suspendu, le maître fictif t'a ordonné de descendre. Mal tombé et tu t'es complètement détruit. Lui, il n'est pas bon maître. Mais je connais un garçon. Le vrai garçon. Il te donne sa vie. Il le refait. Il te refait. Il te reconstruit. Il te couronne de gloire. Cet homme n'est personne d'autre que Jésus de Nazareth. Avec Jésus, c'est possible. Avec Jésus, c'est possible. Longtemps, tu cherches un enfant. Longtemps tu es abandonné par ta famille parce que tu es malade. Rejeté par la société, la solitude t'a pris. Mais laisse-moi te dire, avec Jésus-Christ, tout est possible. Avec Jésus, c'est possible. L'ennemi s'est levé contre mon pays, contre ma génération. L'objectif, c'est de nous détruire. Mais laisse-moi te dire, avec Jésus-Christ, tout est possible. La vie ne s'arrête pas. Avec ce grand Dieu, tout est possible. Avec Jésus, ton foyer est complètement brisé. Ton mari est parti de la maison. Ta femme est partie de la maison. La solitude t'a pris. Mais tu ne sais à qui, vers qui te tourner. Laisse-moi te dire, avec Jésus, c'est possible. Le travail que tu cherches, tu as déposé des demandes dans beaucoup d'entreprises. Jusque-là, personne ne t'a encore répondu. Certainement, tu as pris un métier et tu n'as encore rien à faire. Mais laisse-moi te dire, avec Jésus, c'est possible. C'est possible. Ancien chrétien, aujourd'hui déçu par certaines choses, tu te dis que Dieu t'a abandonné. Mais je veux te dire, avec Jésus, c'est possible. Tu cherches un mari, tu cherches une femme, tu cherches ton âme sœur. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel est fidèle et avec Jésus-Christ, c'est possible. C'est possible que tu te maries, que tu sois heureuse, que tu sois heureux et que tu glorifies le nom de ce grand Dieu. Avec Jésus, c'est possible. Avec Jésus, c'est encore possible. Avec Jésus, ce serait toujours possible. C'est possible. C'est possible. Crois, crois et crois seulement, et tu verras la grandeur, la gloire, l'élévation, le couronnement que l'Éternel t'accorde. Crois seulement. Jésus, c'est possible. Crois, où que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu te trouves, crois seulement. Crois. Avec Jésus, et crois seulement. C'est possible. Car avec lui, c'est possible. Avec Jésus, c'est possible. Avec Jésus, c'est possible. Avec Jésus, c'est possible. Oui, oui, avec Jésus, avec Jésus. C'est possible. Avec Jésus, c'est possible. Avec Jésus, avec Jésus.